Thank you.

I want to call you.

Le roi des accords. J'aime pas le reggae, alors je m'en vais. Je n'aime pas fumer de l'herbe avec mes copains. Je préfère picoler du whisky. We'll be right back. C'est pas assez fort là? Les niveaux sur ce truc. Difficile le niveau. Thank you. Parce que quand je l'enregistre, ça décale. Non mais normalement c'est une fissure. D'ordinateur. Ah, c'est des instruments gratuits, alors faut pas se plaindre, ils sont gratuits. C'est bon ? Ouais, mais après tu fais ça. C'est un bête. Jouer de l'orgue et de la guitare en même temps. Alors j'attends JP pour jouer de l'orgue. Faut jamais s'arrêter en musique. Quand il aura fini de rouler, une faute, une ténèbre.